C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Justine Renaud nous fera écouter de la musique et comprendre la science dans sa chronique Justine Pertine. Et David Ferron sera probablement difficile à écouter et impossible à comprendre en présentant sa carte Mitché. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 7 mars 2017, à 51 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Tania, bonjour à toi. Bon matin. Comment vas-tu? C'est glissant, j'ai failli me planter au moins 12 fois en essayant de juste rentrer dans le pavillon. Je vous parle pas de sortir de ma maison. Mais non, ça va bien sinon. Oui, ben oui, moi je me sens comme si j'étais à la plage chez nous tellement il y a du sable dans la maison. Ben oui, en vrai, tant que ça. Oui, j'ai acheté un tapis pour toi. Ah. Il y a toujours du sable partout. Malaise. Bref, Justine Renaud est avec nous. Allô? Allô? Et je t'ai préparé surprise. Point d'exclamation. Tu t'en viens dans quelques instants, tout à l'heure, avec ta chronique. Hein? Oh oui. Mm-hmm. Toi, est-ce que t'as glissé aujourd'hui? Oui, j'ai glissé, mais j'ai aussi glissé tous les jours de la semaine avant ça. Là. Ouais. Ah, ouais, ça finit. Mais je glisse nouveau. Tout le temps. Oh, okay. Non. T'es en train de dire qu'on dit rien de nouveau, là, puis c'est... Non, mais il y a de la nouveauté là, dans ce que vous dites. Là, ça glisse, mettons, plus, si oui. On peut dire. Plus qu'hier, moins que demain. Non, on dit pas ça. Non. Hey, demain, on va tout être sur le... Oui, exact. Foufoune. Foufoune. Elle a dit foufoune en radio. C'est correct, je le dis tout le temps au lit. Ouais, ouf. Mon matin, foufoune. Bon matin, foufoune. Bon matin. C'est son surnom, en plus. C'est mon chat. Ah, OK, excuse-moi. Ah, c'est pas vrai. Ah. Hey, ouais, mon chat... Elle est pleine de statique, là, en ce moment. Ça, c'est l'actualité du moment, c'est mon chat est pleine de statique. Ah oui? C'est quoi? OK. C'est-tu passager ou tu dis ça comme si c'était comme pas habituel? Ouais, c'est ça. C'est pire que d'habitude. Moins que demain. Tu l'as pas passé avec une espèce de feuille de bande avant de la mettre en station? C'est ça que j'allais dire. C'est comme les feuilles de bande, ça a l'air c'est bon pour la statique. Sur les chats? Ah ouais? Ben, je sais pas si ça fonctionne sur les chats, je sais que ça fonctionne sur les vêtements. Bref, peut-être que ça fonctionne aussi sur David Ferron, qui va être avec nous à 8h30 pour sa chronique à la carte Beachy. Toujours plaisir de l'avoir, donc enfin l'émission. On va aussi. Tu veux enlever la statique sur David? Ben oui. Ah, OK. Aussi, à la fin de l'émission, d'après moi, on devrait pouvoir jouer à Le Vrai, Le Faux encore aujourd'hui. Oui. Et puis, ta chronique s'en vient. Tania Zgolin-Jotinia, quoi de neuf? Bien, je vais vous parler de répercussions ce matin. Oh. Entre autres, de répercussions d'un événement en particulier qui s'est passé il y a quelques années, mais vous allez voir un petit peu plus tard. C'est comme la musique, des percussions, mais plus encore. Peut-être. Bref, on n'est pas drôle aujourd'hui. Fait que, ça commence mal. On va commencer l'émission avec la science. Hein? On va faire ça sérieux un petit peu. Ah, oh, les chats commençaient sur le fond. Il y a des science. Il y a des poules. Attends, il y a des poules. Oh! C'est une poule, ça? Je pense que c'est des canards. Non, c'est des oies. Ouais. Tu connais pas tes animaux? Non. Bref, alors, Wow! Voici Justine Renaud et Justine Pertine. Hey, on a-tu hâte que les oies reviennent? Mais hein! Hey, c'est vide le Québec sans oies. Absolument. La joie des oies. Ça devrait pas tarder, là. Où tarder? Bravo! Un gag aujourd'hui à date. Merci. 1-0, Tania. Merci. Justine Renaud, qui est là pour la chronique Justine Pertine, où on parle de musique et de science. Oui. Salut. Oui, tout à fait. Dans les semaines dernières, on était en mode... le mois de l'histoire des Noirs, je m'avais dit Black History Month. Je suis en mode anglophone ce matin. Je vois ça. Je peux pas faire ma chronique en anglais. Tu peux, mais CRTC va nous demander d'arrêter de te faire passer. All right, so this is the thing about data, and then there's the thing about Texas. Fais-le dans Texas. Fais-le comme on appelle en catégorie 3, c'est-à-dire les autres langues. Fait que les autres langues. Parle d'une autre langue, complètement, on comprendra rien. Ah, si, pero oggi non posso parlare in italiano. C'est de l'italien, c'est beau, hein. C'est beau l'italien. Alors, on va parler par exemple de planète. Fait qu'on peut parler de toutes les langues qu'on veut rendues là si on veut communiquer avec quelconque forme de vie qui pourrait exister là-bas, tu sais, dans les planètes, des choses, dans les planètes. Si. On va parler des planètes. Pourquoi? Je l'ai dit ce matin à Mathieu, j'étais pas particulièrement inspirée hier soir, je savais pas de quoi parler. Puis là, après ça, je me suis rappelé que j'avais un spectacle de Peter qui arrive samedi. Et après ça, je regarde dans la liste parce que je voulais donc bien jouer une chanson de Peter de son dernier album. Et j'ai spoté la chanson Vénus qu'on va entendre tout à l'heure, qui est très bonne, ma foi. Et donc, ça m'a inspirée à parler des planètes. Je sais que c'est pas la première fois que je parle de choses qui se passent dans l'espace. Des choses qui se passent dans l'espace. L'espace. Mais cette fois-ci, je vous assure, là, ça risque d'être un petit peu plus conventionnel qu'à l'habitude. Je pense que ça devrait rejoindre pas mal de personnes. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est au sujet de la classification puis d'espèce de point d'interrogation. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Pluton? Et je sais que c'est vraiment pas de la nouvelle matière. Mais là, je sais que c'est à pas nouveau. À peine en retard un mais, peu. Genre 10 ans en retard. Ouais. Mais juste un peu. C'est une question de là. Il y a pas longtemps, la NASA est sortie avec un rapport des planètes à l'extérieur de notre système solaire et tout. Et là, je suis allée voir la définition de planète. Donc, je suis vraiment comme en mode planète, finalement. C'est Peter avec d'autres circonstances. T'as mis en mode planète, moi, c'est ça. Tout une question de circonstances. Et finalement, planète, est-ce qu'on peut désigner des choses à l'extérieur du système solaire comme étant des planètes? Puis je me suis posé la question, je vais répondre à cette question-là plus tard. Mais premièrement, commençons par la base de la base de la base. Puis la base, c'est le français. Et oui, planète, c'est quoi ce mot-là? Ah, eh bien, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Exactement. Hey, t'as volé mon gag, toi. Ben, c'est pas vraiment un gag, là. C'est mon mnémotechnique de plus tard. Ben, référence. Vous savez, ma référence de tous ceux qui ont été à l'école à peu près dans mes temps. Mais le terme planète, là, avant ça, là, on va y aller de manière un petit peu plus systématique, un peu plus grec. Ça vient de Asteres Planetae. Ben oui! La planète Tide. Asteres Planetae. C'est un taille express, hein? C'est là. Ouais, c'est ça. C'est-tu bon là-bas? Et ça signifie, en fait, étoile errante ou wandering star en anglais. Oh! D'anglais. Oui, attention. Et sa définition a souvent changé au fil des millénaires. On s'entend que dans le temps, on a été mélangés bien longtemps sur des définitions de bien des affaires. Hein? Mm-hmm. Et même qu'à un certain point, l'usage du mot planète faisait allusion à des astres tels que la Lune, des astéroïdes, et même le Soleil. Wow! Ils sont bons. On les aime. On les juge pas parce que dans 1000 ans, on va nous autres même rire de nous autres de 1000 ans. Probablement. On est très autodérision. C'est seulement vers la fin du 19e siècle que les scientifiques se sont fait une tête et que le mot planète fut attribué strictement à une sélection bien distincte d'objets dans notre système solaire. Et puis, on a fait la découverte de Pluton en 1930. Encerclez la date, s'il vous plaît. Ma grand-mère est née, je pense, 4 ans après ça. Sur Pluton. Fait que Pluton est comme juste un peu plus vieille que ma grand-mère, à peine. Et ça a été la dernière planète découverte. Puis, on s'est dit, tiens, on va l'adopter dans la famille des planètes, même si c'est un peu bizarre. C'était je parle pas fin, de ma grand-mère, hein? Je parle pas de ma grand-mère, je parle de Pluton. Salutations à ta grand-mère. Même s'il est un peu bizarre et que parfois elle se retrouve plus près du Soleil que Neptune et que son orbite forme un angle de 17 degrés avec le plan des orbites des autres planètes et qu'elle est petite en Moses, on va l'adopter pareil. On va dire que c'est une planète. Tain, je sais pas. Elle faisait pitié. Elle faisait pitié. On dit, gars, t'es assez grosse peau, tu sais. Ouais. Je parle pas de ma grand-mère. Là. Je la salue en passant parce que l'autre matin, elle m'écoutait et je suis heureuse de savoir qu'elle m'écoute. Donc si elle m'écoute ce matin, je la salue. Et je veux lui dire que ses desserts de la semaine dernière étaient divins. Céleste, c'était hors de ce monde. Céleste, c'est l'adjectif ou le nom de ta grand-mère? C'est Marie-Blanche. Marie-Blanche. Marie-Blanche Lamotte. Bonjour. Salut. Et tu sais, là, dans le bon vieux temps, là, quand on se cassait pas la tête, là, quand on apprenait les planètes à l'école, là, ben moi, je suis bien nostalgique de cette époque-là, comme le sont probablement tous ceux qui sont nés avant la fin du millénaire, là, ou même année maximum 95, comment on appelait, hein? les générations qui se sont vues épargner des téléphones à l'âge de 10 ans. Exactement. Et pour nous, les planètes ont longtemps été une chose qu'on prenait pour acquise. C'est une planète, là, on le sait. Là, c'est mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Ça désignait l'ordre des planètes à partir du Soleil grâce à la première lettre de chaque mois. On l'a tout vécu, ça. Qu'est-ce que tu fais, là, de nos jours? En tout cas, on verra. Mais en fait, aujourd'hui, c'est rendu mon vieux, tu m'as jeté sur une navette. Ouais. C'est assez poche. Apparemment. Hey! Mais une nouvelle. Bon, en tout cas, dans tous les cas, l'aide mnémotechnique est assez mauvaise. Mais c'est ça. Paf! Du jour au lendemain, Pluton débarque de la carte, disparaît de notre système solaire. On le voit encore au microscope, évidemment, mais non, n'est plus parmi la nomenclature de planètes. Dis au microscope. Ouais. Je suis vraiment biologiste dans l'âme. Hein? Non, non, moi, Galilée, c'est le microscope qu'il a inventé, puis etc. Mais c'est ça, j'étais tellement ébranlée quand Pluton est disparu de la carte que je me souviens où j'étais et ce que je faisais quand c'est arrivé. T'aurais dû partir un plus téléthon. Oh! Hey, vraiment, bon. Hey, merci. Bon, un à un. Oui, oh, okay. OK. Fight. Okay. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir de 1992, j'avais 3 ans, donc j'écoutais Passe-Partout, il y a des astronomes qui ont fait la découverte de plusieurs astres célestes à l'extérieur de notre système solaire. Youpi, d'accord. Mais aussi des objets transneptuniens en orbite autour du Soleil qui venaient brouiller les cartes quant à la définition du terme planète. Donc, un objet transneptunien, c'est un astre qui orbite autour du Soleil, tout à fait, mais dont l'orbite est en moyenne plus grande que celle de Neptune. Fait que, comme Pluton, tu sais, Pluton, son orbite est en général plus grande que celle de Neptune, mais parfois son orbite fait en sorte qu'elle se rapproche un peu plus du Soleil que Neptune, même à son plus proche du Soleil. Fait que les orbites sont un peu weird, mais il faut considérer qu'en général, si on prend la moyenne là, des distances par rapport au Soleil, les objets transneptuniens sont à l'extérieur, leur orbite est à l'extérieur de Neptune. Les Orbeez sont dans votre bain. C'est un enfant de moins de 5 ans. Vous connaissez les Orbeez? Oui, c'est pas... Oh non, finalement, je savais pas. Mais j'ai pas dit oui, j'ai pas menti. J'ai répondu. Ouais, j'ai fait des bruits, c'est ça compte pas. Autre langue. Alors, parmi ces objets qu'on a découverts, il y en avait des planètes potentielles dont les caractéristiques étaient variées et parfois assez singulières. C'était des petites bizarres, un petit peu. Ça fait que les scientifiques se sont mis à remettre tout en question. Qui suis-je? Où vais-je? Oui-je? Et puis la catastrophe se produit en 2005 quand on a fait la découverte d'un astre transneptunien. Il est presque aussi gros que Pluton. Il y en a qui disent qu'il est plus gros, d'autres sources disent qu'il n'est pas plus gros, fait que je suis un peu mélangée. Donc, presque aussi gros dans le coin de, grosso modo, plus ou moins 10. Son petit nom, c'était Eris. Eris. On l'aime pas, Eris. Ben, on s'est penché sur le cas d'Eris. On s'est penché sur Eris. Penche-toi, Eris. Et le cas de tous les autres objets transneptuniens qu'on découvrait à l'époque pendant presque un an. Puis, c'est en 2006 que l'Union astronomique internationale s'est plus clairement positionnée quant à la définition du terme planète. Et que Pluton est disparu de notre système solaire. Donc, t'es en train de dire que si Pluton avait été officiellement une planète à ce moment-là, il aurait fallu nommer plein d'autres choses planètes. Fait que là, il y avait comme plein de planètes. Exact. Okay. Mais vous allez voir le chiffre tout à l'heure de combien de nouvelles planètes on aurait. Ça aurait été un très gros aide mnémotechnique qu'il aurait fallu avoir. Fait que maintenant, c'est quoi cette nouvelle définition-là? Je sais, encore une fois, c'est pas du nouveau. Ça fait 10 ans qu'on a une nouvelle définition, mais je vais quand même vous la dire. Vous le savez déjà. Fait qu'il n'y a pas de punch là. Okay. Eh bien, on dit qu'un objet céleste est une planète lorsque, un, elle orbite autour du Soleil. Donc, on parle de notre Soleil. Donc, on parle du système solaire. Donc, quand la NASA dit qu'elle a découvert des potentielles planètes, là... À l'extérieur de notre système solaire. C'est à l'extérieur de notre système solaire, le gros... Non. Non. Non. Je suis une valise. Hein? Je suis une poignée dans le dos. Non. Non. Fait qu'ils ont menti, la NASA. Bon, Justine est forcée après la NASA. Je vais leur écrire. Ils voulaient bien faire, puis ils ont voulu faire parler d'eux, j'imagine. Ben oui, ils ont désigné ça des planètes. Mais tu sais, c'est la même affaire comme dans le... Ils l'ont peut-être mis dans un vocabulaire que les gens comprennent. Ouais, c'est ça. Je suis comme une planète gros comme ça. Ouais. Mais en tout cas, ça l'orbite pas autour du Soleil. Certains, on est à l'extérieur complètement. C'est pas mal la première règle, ça. Ouais, mais tu sais, je comprends qu'ils utilisent le terme planète, là, un moment donné. Là. C'est sûr que dans une galaxie près de chez vous, ils cherchaient une nouvelle planète, puis qu'on était clairement à l'extérieur du système solaire. Ouais. Genre des là où la main de l'homme, là, j'avais mis les pieds. Ouais, on aime cette émission-là. Fait que, premièrement, donc, une planète doit orbiter autour du Soleil. Deuxièmement, elle doit être assez grande, assez volumineuse, donc assez dense, pour que sa propre gravité lui donne une forme sphérique. Donc, okay? The Rock est un... Il est pas sphérique du tout. Ça dépend. Peut-être qu'aujourd'hui, il a pris ben. Peut-être. On va aller voir des photos de paparazzi, voir que ça donne. Et troisièmement, le troisième critère, c'est qu'elle ait balayé son voisinage orbital de tout objet plus petit. Donc, en passant autour, par son propre orbite, dans le fond, là, qu'elle ait vraiment là, réussi à comme, attirer toutes les espèces d'autres débris sur sa surface, qui se sont éclatés à sa surface et qui ne restent plus d'espèces de petites gornottes dans le chemin. C'est comme un Swiffer, finalement. Exactement. Pareil. J'ai écouté un mini documentaire où c'était une femme française, peut-être qu'elle venait de la France ou de la Belgique. Bref, elle avait un accent français. Elle expliquait la chose. Elle parlait de grumeaux. De grumeaux. Quand je parle de gornottes, c'est déjà. C'est, je traduis en québécois. Ouais, j'aime mieux. Je pense que j'aime mieux des gornottes que des grumeaux. Ouais, des grumeaux, ça fait comme un petit peu plus mou, là. Ouais, je sais pas. Comme dans du yogourt passé date, là. Ouais, un petit peu. Donc, tous les petits yogourts passé date sur le chemin de Pluton ou d'autres objets transneptuniens, faut croire qu'ils n'étaient pas clairés. Donc, à la lumière de cette nouvelle définition, Pluton ainsi que les autres objets transneptuniens ne se sont pas qualifiés comme étant des planètes. Comme je l'ai dit, c'est vraiment habituellement en raison du fait qu'ils n'ont pas balayé leur voisinage orbital. Mais néanmoins, la prise de position de l'Union astronomique internationale n'a pas permis de clore ce dossier controversé. Donc, il y a encore des espèces de petits scientifiques rebelles, là, les petits bums, qui rejettent la définition de l'organisation. C'est assez harsh, là. Eux autres, ils se disent « Ouais, non, I'm above that. » C'est ça. « I'm above your mom. » Tu ne diras pas quoi faire. C'est ça. Je suis ta mère. Ils disent « Non, non, Pluton, c'est encore une planète. » Je pense que c'est un peu des nostalgiques comme moi. Moi aussi, probablement que je serais comme rebelle. Puis que « Non, je refuse. Non, je suis comme ça. Et donc... Ça ressemblait donc, à une Mathieu a eu une réaction genre « Oh my arrête, God! » Arrête! C'est juste notre père! Je suis débarquée un peu de mon orbite. Et donc, comment qu'on l'appelle Pluton aujourd'hui finalement? Vous le savez peut-être déjà, on la désigne comme planète naine ou planète mineure. Planète naine. Je trouve ça un peu péjoratif. Ouais, petite personne planète. Ouais, ben on n'a pas le choix. Mais tu sais, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aide mnémotechnique, là. Ouais. Mon Dieu, tu m'as jeté sur une nouvelle planète où maintenant c'est navette parce que ça arrête là. Ouais. Eh bien, il nous aurait fallu, 942 autres mots parce que comme 242 autres objets transneptuniens qui habitent la ceinture de Kuiper, comme Pluton, elles ont tous été redésignées comme planète naine ou planète mineure. Ah. Ça, c'est toutes des espèces d'objets dont on connaît bien leur orbite, mais qui ont probablement pas clairé leur orbite, justement, et qui, habituellement, c'est ça. Ça finit là. D'habitude, là, quand on les voit bien au microscope, puis qui orbitent autour du Soleil, c'est que la forme est habituellement sphérique, puis c'est une question de balayage orbital. C'est vraiment une question de ça. Fait que la ceinture de Kuiper, la Kuiper Gang, c'est la plus grosse ceinture qu'on connaît au monde. C'est une grosse ceinture, elle sert de... En tout cas, là, c'est un pour tout le monde. Pas pire, hein? Ouais, non, la Kuiper Gang. Ben, j'ai malheureusement pensé, mais il a fallu que j'aille savoir comment ça se prononce en français. Kuiper. Je sais pas comment ça se prononce en anglais non plus, en fait. Hey, tout ça pour dire, 242 peut-être petites planètes, on s'est entendu que c'est sûr qu'après ça, Pluton, ils l'ont débarqué de la carte. Fait que je suis moins nostalgique en pensant qu'aujourd'hui, avec la réforme scolaire, les enfants auraient eu à apprendre comme 251 planètes. C'est malade. T'imagines. Et voilà. Fait que là-dessus, on va aller écouter une chanson que j'ai découverte cette semaine, Rings of Saturn de Nick Cave and the Bad Seeds. Je vous invite à écouter cette douce chanson qui est sortie il n'y a pas trop longtemps, en 2016, leur dernier album, ici à Justine Pertine. Oh, c'est beau, c'est beau. Pendant qu'on pense à connaître l'orbite. C'est toujours le fun de connaître l'orbite. L'orbite. On les connaît toutes, l'orbite. L'orbite. Au microscope. C'est le cousin de l'orbite. L'orbite. Upside down and inside out and on a leash, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly where she's born to be. This is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. Through her rainy hair, two round holes where the air bubbles and rushes in. Her body moon blue as a jellyfish. And I'm breathing deep, and I'm there, and I'm also not there. I'm spurting ink over the sheets, but she remains completely unexplained. Or maybe I'm just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does. Vénus, s'il te plaît, chasse-les de la chambre, qu'ils ne reviennent jamais. Dis-moi comment tu fais, tu ne sembles pas t'en faire, tu t'endors doucement quand la vérité ment, ment, ment. Dis-moi comment tu fais, tu ne sembles pas t'en faire, tu t'endors doucement. pudding nom nom, un pudding nom nom. Un pudding nom nom. Un pudding nom nom. C'est bok choy. Alors, on écoutait Pudding Nom Nom de Caribou. Non, c'était Mars, comme c'est suave. Juste avant ça, c'était Vénus de Peter. Peter, de son dernier album, Noir Eden. Avec un petit chagrin dessus. Excellent album. Il est très bon, très, très bon. Je vous le conseille. Puis si vous n'avez pas déjà vos billets, samedi soir, Peter à Trois-Rivières, on va espérer qu'il ne nous choke pas. Ah, okay, parce que la dernière fois, j'ai couché avec, il a fait l'asphyxie, il m'a choqué. C'était bien pas le fun. Non, c'est pas ça. C'était agressif. Agressif. Hey. Puis, première chanson qu'on a entendue, c'était Rings of Saturn de Nick Cave and the Bad Seeds, qui, eux, vont être à Montréal dans le coin de mai, juin, dans ce coin-là. Ah, oh, on les aime. Ils roulent depuis 1983, ces gars-là. Quand même. Hein? Expérimentalement parlant, ils sont vieux. Ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire, mais ils sont vieux. Ils font du expérimental. Je les aime bien. T'as pas couché avec eux autres? Contrairement à Peter. Non, on a couché ensemble, mais ils m'ont pas fait de l'asphyxie auto-érotisante, je sais pas quoi. Non, c'est ça. On a parlé de planètes, si vous avez remarqué le thème entre tout ça. Les anneaux de Saturne, Vénus, Mars, je suis originale. On a clarifié en fait le concept de pourquoi Pluton ne fait plus partie de notre système solaire en tant que planète. Oui, il fait quand même partie de notre système solaire, mais pas en tant que planète, en tant que planète naine. Prends ton trou, planète naine. Planète naine ou planète mineure. Oui. Je trouve ça plus cute, planète mineure. C'est vrai. C'est vrai. Je fais une mineure en planète, moi. Oui. Ah, c'est quoi ta majeure? Hein? Voilà. Appelez-moi Monsieur Planète. Monsieur Planète. Non. Tu te pars une émission, là? Je sais pas, c'était la toune de Monsieur Net. Mais. Sérieux? Avec Planète dedans. Et boy. En tout cas, je l'avais pas reconnu. Moi non plus, mais écoute. Monsieur Net. Lâche pas. Non? Non. Je sais pas. Oui. T'as trop de cheveux pour être Monsieur Net. You're too much capillarily endowed. Voilà. T'as trop de cheveux. Merci, Justine. Hey, ça m'a fait plaisir. On a dit des choses impertinentes, toi, ce matin. Toujours impertinente, à Justine Pertine. Ah, c'est un mardi matin. C'est un mardi matin de semaine. Point. Alors, on se retrouve dans deux semaines. Dans deux semaines, toujours très ponctuel, avec ou sans verglas, avec ou sans sous-vêtements, tout est beau. Oh, crime. Elle est commando. Commando. Je salue ma grand-mère. Wow. Mais je peux saluer ma mère aussi, ou je peux saluer ta mère, tu sais. Ok. Ta mère. Je salue toutes les mères de Trois-Rivières. Bonjour. Monsieur l'évêque, bonjour. C'est pas drôle. Je le trouve très drôle. Mardi 7h30 dans deux semaines. Merci, Justine. Ça me fait plaisir. On prend une pause au retour. Ça va être au tour de Tania. It's gonna entertain ya. Vous écoutez Assemblage Requis en ce mardi 7 mars 2017. Elle est Tania Bolin. Et Mathieu Plante. Maintenant, déjà, on est rendu au moment où c'est Tania qui va parler pendant un bout. Là. Ben oui. Plus de musique, oui. Là. Non, je sais. Aujourd'hui, t'es sandwiché entre deux chroniques musicales. C'est vrai. Ça va faire changement pas mal. Là. T'as bien raison. Bref, c'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. She's gonna entertain. T'as pas reconnu mon chant de Monsieur Net tantôt, mais là, j'espère que tu reconnais ton intro. Oui, ça je le reconnais par exemple. Bon. Je suis d'accord avec toi. Parce que je la chante comme d'habitude. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, j'essaie encore de me rappeler de quoi tu parles. Tu parles de quoi? Non, hein? Mathieu a la mémoire. C'est le matin avec mes chroniques, mes sujets de chronique, c'est le moment de savoir si Mathieu a réussi à faire de la pratique sur sa mémoire. Absolument pas. Parce que je t'écoute, on le sait. Oui. Mais je retiens rien. on parle de répercussions ce matin sur J'avais un rapprochement, mais c'était pas ça. Ouais. On parle de répercussions, en fait, sur un événement qui s'est déroulé il y a quelques années déjà. Et c'est un petit peu pourquoi je vais vous en parler. C'est parce que dernièrement, le mois dernier, on a fêté un anniversaire de cet événement-là. Et c'est très drôle que je parle de cet événement parce que je trouve que on m'aurait pas entendu parler de cet événement-là en temps normal parce que j'étais un petit peu contre les événements qui se déroulaient. Ah. On va retourner en février 2012, en fait, où on parle justement de la grève étudiante québécoise ou ce qu'on a appelé pendant longtemps le printemps érable. Ouais. Récemment, le 13 février dernier, on a fêté les 5 ans de cet événement-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'était la grève étudiante québécoise de 2012, un, je ne sais pas vous étiez où. Deux, je ne sais pas ce qu'est-ce que vous faisiez parce que c'était partout. Et trois, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, en fait, la grève étudiante québécoise, ça désigne l'ensemble des événements, des mouvements sociaux et surtout des perturbations qui ont été faites par une grève étudiante générale et illimitée dans certains établissements d'enseignement supérieur québécois du 13 février au 7 septembre 2012. Donc là, le mois dernier, on a fêté le début de cette grève-là. J'imagine qu'en septembre, on va fêter les 5 ans de cette fin de grève-là. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais ça s'est déroulé du 13 février au 7 septembre 2012 et la grève étudiante a été la plus longue, la plus imposante de l'histoire du Québec et du Canada et principalement en réponse à l'augmentation projetée des droits de scolarité universitaire pour la période de 2012 à 2017, dont le budget provincial de 2012-2013 du gouvernement du Parti libéral de Jean Charest. Donc, l'élection du gouvernement péquiste de Pauline Marois le 4 septembre 2012 a amené beaucoup de choses en fait et cette grève étudiante-là a eu quand même beaucoup de répercussions. Et c'est drôle parce que on a entendu parler de la grève étudiante. Y en a beaucoup qui étaient pour cette grève étudiante-là. Il y en a aussi qui étaient contre cette grève étudiante-là. C'est drôle parce que au niveau des jeunes, j'ai trouvé que la grève étudiante québécoise de 2012, ça a aussi amené la motivation à donner ses opinions pour plusieurs élèves qui, en temps normal, restaient un petit peu plus dans leur coin, parlaient pas trop de politique. Là, j'ai comme vraiment l'impression qu'avec cette grève étudiante-là, on a vraiment montré aux jeunes qu'ils pouvaient parler de ce qu'ils voulaient parler, mais surtout qu'on pouvait avoir une divergence d'opinion et quand même se respecter, ce qui n'a pas toujours été le cas durant ce fameux printemps érable-là, il faut s'en rappeler. Il y a eu plusieurs grosses manifestations qui, certaines, se sont mal déroulées, mais je pense que ça a amené ce côté critique politique-là beaucoup plus développé chez les jeunes aujourd'hui. Et si vous allez, par exemple, discuter avec quelqu'un qui vient d'entrer au cégep, bien probablement que grâce à cette grève étudiante-là, ils ont maintenant une opinion politique, ce qu'on n'avait pas nécessairement avant le fameux printemps érable, parce qu'on se disait que la politique, c'était pas mal plus pour nos parents, c'était pas mal plus eux qui choisissaient qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Mais du moment que ça a commencé à rentrer en ligne de compte avec ce fameux printemps érable-là, eh bien, tout le monde s'est dit avoir une opinion politique sur les droits de scolarité, les frais de scolarité. Et j'ai aimé ça, en fait, pour ça, la grève étudiante, c'est que ça l'a amené le côté critique et le côté de pouvoir développer ses opinions par rapport à un sujet sans nécessairement être pour ou contre la grève étudiante. C'est vraiment, on était capable, à ce moment-là, d'avoir plusieurs discussions très, très, très diverses entre plusieurs personnes différentes. Donc, je trouve que déjà en partant comme recul, c'est un bon point que cette grève-là a eu de pouvoir justement amener peut-être une diversité politique plus grande au Québec pour les jeunes. Il faut comprendre que principalement, c'était les fédérations d'associations étudiantes québécoises qui avaient parti ce mouvement-là de grève étudiante. Donc, on parle de la CLAS, la FEC, la FECQ et la FEUC qui justement ont coordonné cette grève-là. Et on a parlé aussi de suspension de cours. On a parlé des moyens de pression qui avaient été utilisés, qui étaient les manifestations dans plusieurs villes du Québec. On parle aussi de piquets de grève autour des établissements d'enseignement en grève. On parle des manifestations nationales. C'est-à-dire que ça s'est passé à la grandeur du Québec. Il y en a eu trois grosses, c'est-à-dire le 22 mars, le 22 mai, le 22 juillet, tout ça à Montréal, et le 22 juin 2012, où on a vu la première qui se déroulait en même temps à Montréal et à Québec. Donc, il y a eu un gros mouvement étudiant, et ce fameux printemps érable-là, cinq ans plus tard, est-ce qu'on a encore des conséquences de ça, ou est-ce qu'on a encore des répercussions de ce fameux mouvement-là? Parce qu'on en a tellement entendu parler. Il y en a qui ont eu une écœurantite aiguë. Pour certains, c'était impossible impossible de pouvoir aller à ses cours parce que justement il y avait des piquets de grève. Tu sais, ça n'a pas toujours été une belle période, cette fameuse grève-là, mais est-ce que les conséquences de cette grève-là ont été quand même positives? Qu'est-ce qui reste de ce fameux conflit-là? Parce qu'il faut comprendre que ça a été un conflit qui a fait beaucoup jaser, non seulement ici au Québec, mais au Canada, mais aussi à l'extérieur du Canada. Et ça, j'ai quand même l'impression que certains jeunes qui ont participé à cette grève étudiante-là l'ont oublié, c'est qu'à un certain moment, les manifestations, à tel point elles étaient violentes, ont fait parler à l'extérieur du Canada, comme quoi on savait pas trop qu'est-ce qui se passait au Québec présentement, mais les étudiants étaient en train de virer un petit peu fou et que ça devenait des manifestations extrêmement violentes. Ce qu'on a vu, parce qu'on s'entend, au centre-ville de Montréal, il y a eu des voitures qui ont été fracassées, il y a des gens qui ont été blessés dans ces manifestations-là. Ça s'est pas toujours super bien passé dans les règles du respect, mais ça l'a quand même fait bouger certaines choses. Et le premier point, c'est qu'en septembre 2012, les libéraux ont été défaits aux élections et la première ministre Pauline Marois, qui était au Parti québécois, a annulé l'augmentation des frais de scolarité. Ça a été la première répercussion de ce fameux printemps érable-là. Par la suite, en 2013, il y a plusieurs livres qui sont sortis qui faisaient justement l'analyse des fameux événements qui paraissaient un petit peu partout au moment dans les nouvelles, dans les journaux. Pendant plusieurs mois, c'est la seule chose dont on a entendu parler pour la plupart des Québécois. Donc, c'est notamment le cas du porte-parole étudiant Gabriel Nadeau-Dubois qui, lui, a publié un livre avec tout ça qui s'appelait « Tenir tête » de membres du comité média de la classe qui, lui, a publié « De l'école à la rue ». Donc, c'est vraiment le mouvement étudiant qui amenait justement cette divergence d'opinion politique-là qui a fait beaucoup parler et dont on fait l'analyse dans certains livres. Par la suite, le 8 mai 2013, le gouvernement Marois a annoncé la mise sur pied de la commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012 et Serge Ménard, qui est un ancien ministre péquiste de la Sécurité publique, a été nommé président. La commission a été boycottée par la Fraternité des policiers et des policières de Montréal, par l'AC. On se souvient, il y a plusieurs policiers qui sont sortis quasiment vedettes de cette période-là au Québec parce que, justement, à un certain moment, les policiers étaient pointés du doigt. Par la suite, c'est les étudiants qui ont été pointés du doigt. Il y avait une grosse... divergence d'opinion, encore une fois, entre les étudiants et les policiers. C'est surtout que les policiers voulaient que ça se passe dans les règles du respect, tandis que certains étudiants voulaient que ça bouge un petit peu plus. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des altercations avec les policiers et les étudiants qui ont fait beaucoup jaser. Entre autres, je me souviens plus trop de son matricule, là, mais c'est... 728, je crois. 728, si je me souviens bien, qui, elle, est sortie... Sortie d'une policière connue du Québec. Oui, c'est ça. Par la suite, le 7 avril 2014, l'élection générale québécoise porte à nouveau le Parti libéral du Québec. Et deux ans après le printemps érable, le rapport de la commission spéciale a été déposé. Ça blâmait, entre autres, la gestion de la crise par le gouvernement libéral, justement, et aussi certaines méthodes qui avaient été utilisées par les policiers, c'est-à-dire le poivre de Cayenne, les injonctions judiciaires, tout ce qui avait été utilisé qui était dite méthode un petit peu trop excessive pour justement calmer les étudiants à un certain moment. Mais les conclusions du rapport ont aussi été critiquées par la vice-première ministre qui était Lise Thériault et qui est tournée au ridicule par la Fraternité des policiers. Donc le rapport n'a pas donné suite à ce fameux dépôt-là. Le 2 juillet 2014, le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, a fait savoir qu'il n'écarte pas l'idée d'augmenter les frais de scolarité à nouveau dans les prochaines années à venir. Et après plusieurs controverses, il a démissionné de ses mandats de ministre et de député et a mis fin à sa carrière politique tout juste à cause de ça. Ouais. Par la suite, on a vu, selon un article du Devoir, une étude qui a conclu que la grève étudiante de 2012 a permis aux étudiants à temps plein à l'université d'économiser 1 465 $ par année. Si vous voulez mon opinion, hein? C'est une des seules bonnes choses à avoir, détruit le centre-ville de Montréal pendant des mois, avoir détruit plusieurs autres centres-villes aussi au Québec. Mais bon, si on mélange la fiction et la réalité maintenant, il y a le film « Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau » qui est sorti en 2017 ou qui devrait sortir en 2017 de Mathieu Denis et de Simon Lavoie qui a gagné le meilleur film canadien au Festival de films de Toronto. Et ça a créé des ondes de choc à travers le Québec et ailleurs, parce que justement, on mélange la fiction et la réalité de ces événements-là. Donc, si jamais vous voulez voir ce film-là, j'imagine que la recherche est assez simple pour le trouver sur Internet, mais c'est sûr que vous allez voir justement des images qui sont des vraies images de ces manifestations-là, qui sont des vraies images du printemps érable, mais aussi vous allez voir un mélange avec la fiction de ceux qui font la révolution à moitié, ne font que se creuser un tombeau. Parce que ça a été quand même très controversé, cette fameuse manifestation. C'est ma fameuse manifestation-là. C'est qu'il y avait vraiment d'un côté tous ceux qui étaient pour et il y avait de l'autre côté tous ceux qui étaient contre sortir dans la rue, tous ceux qui étaient contre faire le piquet, ceux qui voulaient continuer leurs études de façon normale. Et il n'y avait pas nécessairement de juste milieu dans tout ça. Il y avait, tu sais, oui, il y avait des gens qui étaient pour et contre, mais on n'osait pas trop se manifester justement à ces moments-là, parce que si on n'était pas d'un bord ou de l'autre, c'était très mal vu en 2012. Donc, c'était plutôt le moment de juste se contenter d'être. Ouais. Ferme-la. C'est ça. Il y avait plusieurs acteurs politiques pendant cette fameuse crise-là, parce que on a vu des acteurs principaux sortir du lot un petit peu. En premier lieu, il y avait le premier ministre Jean Charest, qui, lui, les répercussions ont été qu'il a été battu aux élections de l'automne 2012. Il est devenu associé de cabinet d'avocat McCarthy Tétro par la suite. Il est encore à ce cabinet d'avocat-là. Et, tu sais, ça a été le début de la fin pour Jean Charest, malheureusement. Par la suite, il y avait la ministre de l'Éducation et la présidente du Conseil du Trésor, qui était Michelle Courchesne. Qu'est-ce qui est devenu avec elle? Eh bien, elle s'est pas représentée aux élections de 2012. Elle travaille aujourd'hui comme une coach et comme une conseillère stratégique. Donc, on a comme changé un petit peu notre vision de faire les choses et notre façon de faire, surtout. Il y avait la ministre de l'Éducation qui était là jusqu'en avril 2012, qui était Lynn Beauchamp. Elle a été nommée représentante du Québec à l'UNESCO en 2014. Puis en 2016, elle a été déléguée générale du Québec à Paris. Donc, je pense qu'elle est toujours là aussi. J'ai pas fait trop de recherches sur Lynn Beauchamp. C'était pas mon but en tant que tel. Mais si je me souviens bien, elle est toujours là-bas pour le moment. Il y a eu le ministre des Finances aussi, Raymond Bachand, dont on a entendu parler pendant cette fameuse crise-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Bien, il a démissionné de son poste en septembre 2013, simplement quelques mois après avoir perdu la course à la direction du Parti libéral du Québec. Il est maintenant conseiller stratégique pour le cabinet Norton Rose Fulbright et il est président de l'Institut du Québec. Donc, la plupart sont sortis de l'œil politique. C'est sûr, après s'être fait des faits comme ça du côté du Parti libéral versus le Parti québécois, on a comme décidé pour la plupart de se rétracter du côté politique. Mais bon, il y a aussi le ministre de la Sécurité publique qui était Robert Dutil, qui lui a été réélu en 2012 et en 2014. Puis par la suite, il a démissionné en septembre 2015 pour devenir vice-président de Canampon. Donc, encore une fois, on change un petit peu d'orientation. Mais quand même, il y a plusieurs vidéos qui sont sur Internet si jamais vous voulez avoir des répercussions de tout ça. Et un de ceux qu'on a entendu extrêmement parler, eh bien, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, dont je vous parlais tout à l'heure. Il fait encore les manchettes ce matin, disant comme quoi il pourrait être pourrait se lancer dans la course pour le Parti du Québec solidaire. Donc, c'est un de ceux qui est sorti du lot vraiment, ou dont on entend encore parler aujourd'hui. C'est un des jeunes en politique qui a fait beaucoup bouger durant cette période-là, mais il faut comprendre que une crise comme celle du printemps érable, ça a été là longtemps et les répercussions sont quand même grosses, mais sont pas si énormes que ça. Donc moi, je vais vous poser la question, est-ce que ça valait tant la peine? On est mieux de rien dire. Oui, c'est ça. Non, exactement. moi, je me rappelle que j'étais contre les manifestations à un certain point. Parce que je vivais avec des gens qui n'avaient pas nécessairement la même opinion que moi. Donc, on avait ces fameuses discussions-là de divergence d'opinion à un certain point. C'est sûr que lorsque tu vis avec quelqu'un qui voit les choses différemment que toi, ça t'amène aussi à faire des réflexions sur pourquoi est-ce que les gens penseraient comme ça. Eux aussi font des réflexions par la suite s'ils ne sont pas totalement fermés comme la plupart des gens l'étaient. Et à un certain point, tu te trouves à te ramasser au milieu, à te dire que finalement, il y a peut-être un juste milieu dans tout et qu'il faut tout simplement doser notre eau, mettre de l'eau dans notre vin, voir comment les choses se déroulent. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est quand même capable d'économiser autour de 1 000 $ par année pour les étudiants. Donc, c'est une bonne chose qui est sortie de cette manifestation-là. C'est un petit peu la façon de faire que je trouvais qui était... extrême. Ouais. Et comme tu l'as dit, la porte est ouverte pour de futurs changements encore, donc ça pourrait se reproduire. Exactement, ben oui, c'est sûr. Tout va dépendre de comment les étudiants vont voir ça, comment est-ce que les étudiants vont voir le parti politique et comment le parti politique va voir les jeunes aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2012, le parti politique des jeunes, maintenant, chaque parti politique ont comme sa délégation d'étudiants, ont leur délégation de jeunes qui sont impliqués. C'était pas comme ça nécessairement en 2012, t'sais, oui, elles existaient, mais on demandait beaucoup moins de conseils à ce fameux conseil des jeunes-là, tandis qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus impliqué, parce qu'avec cette crise-là, on a réussi à faire comprendre à certains politiciens que les jeunes, quand même, avaient une opinion et que c'était nous qui allaient voter demain matin. Oui. Donc, que c'était important de devoir se tourner vers les jeunes et de leur demander leur opinion. Ça, c'est une des bonnes choses qui est sortie de cette crise-là, je crois, c'est que les politiciens ont comme compris que les jeunes voulaient être impliqués, que les jeunes votaient eux aussi. Donc, à un certain point, il fallait qu'ils prennent en considération ce qu'ils veulent. Une petite prise de conscience, toujours bon. Exactement. Voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania Sgonin, je te dis à tous les matins de semaine à l'Assemblage Requis. On écoute Émile Bilodeau. Ben ça oui. Absolument aucun lien. Tu me dirais? Tu me dirais-tu? Okay. Tu me dirais ça? Je sais pas. Mais sa pièce s'appelle Tu me dirais-tu? Fait que tu me dirais-tu? Je te le dirai. Dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai eu des zéros et des A. J'ai reçu des gauches et des droites. T'as des débauches maladroites. Mais je me souviens d'absolument rien. À part que j'ai jamais été bright et que j'aime caler des causes light. Et pour ma part, je considère que je suis mort depuis hier. Car j'étais fou de toi et j'étais fou de joie. Mais tu m'as trompé, c'est pour ça que j'ai dû te crisser là. Au fait que tu me dirais-tu? Ça valut la peine, tu me dirais-tu? Si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey. Hey. Hey. Et j'ai appris à mes dépens que les lendemains de veille étaient tough. Et puis qu'apparemment que le soleil c'est un esti de show-off qui fait que les matins ils se meurent. Oh, lorsque vient de passer 11 heures, à cause de lui il fait beau. Puis à soir j'ai un show dans un bar, je vais pouvoir faire mes chansons, je paye en bière de toute façon. Hey. Je vais pouvoir boire pour oublier sur le dos de mon employeur mes sentiments refoulés comme la poutine puis la peur. Et puis les filles sont jolies, puis ma carte de crédit est complètement loadée à force d'essayer de tout vouloir les cruiser. Mais comment faire pour t'oublier? Hey, hey, hey. Oh, fait que tu me dirais-tu? Si ça valut la peine, tu me dirais-tu? La longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey, hey, hey, hey. J'ai fait un gros feu de joie avec des photos de toi. Mais ce n'était pas tes plus belles. Fait que prends les pas personnels. Anyway, j'ai gardé tes pics de chicks dans ma chambre. Je sais, c'est triste. Oh, et c'est dur à comprendre. Hey! Oh, mais le printemps a ben de la peine. D'ailleurs, j'ai perdu mes mitaines. Puis tout le monde dans le bar est un peu saoul. Puis dehors, il pleut des clous. Oh, fait que tu me dirais-tu si l'avenir nous réserve de quoi de beau? Oh, tu me dirais-tu? Hey, hey, ce qu'annonce la météo. Émile Bilodeau, et tu me dirais-tu? Assemblage requis. On prend une pause au retour, David Ferron et la carte bleachée. Assemblage requis. Que toi, aujourd'hui. Assemblage requis. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis, en ce mardi 7 mars 2017 à l'Italia Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. Et maintenant, c'est le moment d'accueillir David Ferron. David Ferron, qui semble persécuté, parce que j'ai encore, en introduction d'émission, fait des blagues à son sujet. Mais c'est des blagues pour rire, là. Je trouve pas ça drôle. J'ai dit que David serait probablement... Ah, c'est facilement froissable. J'ai dit que David Ferron serait probablement difficile à écouter et impossible à comprendre en présentant sa carte bleachée. Ben. C'est pas faux en tant que tel, mettons, tu sais. Mais dans quel sens? Dans le sens que des fois, tu dis des choses qu'on comprend pas, des gags avec des référents qu'on comprend pas, puis qu'il faut que tu les expliques. Ah! Tu patines bien, tu patines bien. Ben c'est ça! C'est vrai? C'est la vérité? Ouais. Je suis un gars honnête. Mais non, mais tu le sais parce que je t'écoute. Avoue que tu parles souvent des mamies russes, puis si on sait pas de quoi tu parles, on comprend pas. Ben exactement. Ça. À moins qu'on aille sur YouTube vous faire découvrir les mamies russes. C'est ça. Fait que là, à chaque fois que David fait un gag, il faut qu'on aille chercher sur Google pour comprendre le gag. Il y a comme là, une demi-heure de recherche pour chaque gag que mais David t'es récompensé fait. En disant comme ah, oh, c'était ça le gag. Ouais, c'était pas un gag. Finalement, c'est chez ben référent. Ben oui, exactement. C'est pas comme Family Guy, tu sais. C'est pas des gags, c'est juste des références à des affaires. Exact. Ben oui, parce que les mamies russes, c'est des participantes à l'Eurovision en 2012 qui est en deuxième position et tout ce qu'on fait, c'est chanter une toune puis donner des gâteaux aux participants. Bon. Tu viens nous sauver une heure et quart de recherche. Oui, c'est ça, de recherche, merci. Ouais, merci d'avoir... Mais c'est d'écouter la toune, c'est vraiment, tu sais, c'est une toune d'Anne vraiment quétaine, mais c'est de voir six mamies grand-maman russes chanter puis faire cuire des gâteaux. C'est juste sur scène. Mais ça doit être merveilleux. Oui, devant 200 millions de personnes. Wow, mais il y avait un fourneau sur le... Oui. Wow. Vraiment un fourneau. Puis sur la grosse scène de Bakou en 2012. On se croirait à une grosse pointe adresse où on amène notre micro sur une chaise. C'est pareil. Oui, mais version genre Star Wars. Wow. Bref, on n'est pas encore rendu dans ta chronique, mais une fois rendu dedans, on va sûrement avoir d'autres références comme ça parce que ça va être sur l'Eurovision. Donc voici la carte bleachée. Oui. Ouais. David Ferron, qu'on reçoit aux deux semaines pour sa carte bleachée. Les autres semaines, c'est pour le journal Zone Campus. Donc là, on parle de musique. Et comme tu le fais une fois de temps en temps, c'est la deuxième fois qu'on fait cette session-ci. Oui. Tu nous amènes des affaires vraiment là, kitsch, je pense. Oui, exactement. Pour scraper le côté sérieux de la chronique à Tania sur les carrés rouges et verts. Ouais. Et de Justine avant sur la science ben des oui. planètes. Exact. Exactement, oui. Donc moi, j'amène le côté frivole à l'émission. On aime ça. Ben tant mieux, mais en fait... Tu vas frivoler nos cœurs? Oui. Oh boy! La poésie ce matin, Mathieu. J'essaie vraiment de me rattraper. Je vois ça, ouais. Parce que le festival de la poésie, c'est juste en fin septembre, début octobre, ah, Mathieu. Bon. T'as le temps encore. Mais on est toujours à l'avant-garde, c'est fou, ça. C'est bien dit. Donc, quand tu vas être prêt pour le mois d'octobre, tu vas être dans la mode, parce que tu l'auras lancé. Et voilà. Mais... voir quelque chose qui est à mode, surtout en Europe et surtout au mois de mai, parce que le concours de l'Eurovision, ça a toujours lieu en mi-mai. Ça commence en mai? Oui. Tout a lieu en mai? Ben, en fait, les concours en tant que tels, parce qu'il y a deux demi-finales. En fait, comment j'expliquerais ça? C'est que dans la deuxième semaine... Faites de une mai... recherche d'une heure et demie pour... Non, sauve-nous ça, s'il te plaît, David. C'est qu'en fait, habituellement, chaque année, l'Eurovision, il y a trois spectacles. Il y a une demi-finale qui regroupe la moitié des pays et une autre demi-finale qui regroupe l'autre moitié des pays. Okay. Habituellement, il y a à peu près 10 pays par demi-finale, donc ça fait 20 pays, normalement 19 à 20 pays, dépendamment des pays qui participent. Ouais. Donc, eux se retrouvent dans la finale. Okay. Et là, tu rajoutes ce qu'on appelle le Big Five, c'est-à-dire ceux qui ont une passe droit pour aller directement à la finale, qui sont toujours les mêmes. Le pays qui accueille la compétition. Ils sont toujours les mêmes? Oui, parce que l'Eurovision, je sais pas si je l'ai expliqué l'autre fois, mais l'Eurovision, c'est en fait un concours qui est organisé par des radiodiffuseurs qui font partie d'un même réseau européen, ouais, mais qui englobe d'autres pays à part l'Europe, puis le Canada aussi comme membre là-dedans. C'est que tu as 5 grands contributeurs de ce réseau-là, okay, de télévision. Mais eux, ils peuvent se permettre d'être poche parce qu'ils s'en vont directement en finale. Oui, puis c'est ça que ça fait souvent ces dernières années. Ils étaient très poches. Mais est-ce qu'ils ont des chances de gagner? Parce qu'en tant que tel, c'est tu disais le public qui vote et... Le jury. Oui, à c'est moitié-moitié. Okay. Oui, exactement. Des fois, le système de points varie. C'est un peu bizarre. Ça peut changer d'année en année, mais c'est la moitié des points, c'est le jury, puis la moitié des points, c'est le public. Ouais. Ce qui a du sens, quand même. Oui, exactement. Donc, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est un peu compliqué, des fois, le système de points. C'est plus juste comme ça, je trouve. Oui, mais ça fait des écarts. Des fois, c'est vraiment intéressant. Entre le vote du jury et du public, c'est vraiment intéressant. Parce que le public vote pour ceux qui aiment, alors que le jury vote pour ceux qui ont le plus de potentiel à vendre des albums, de la musique, j'imagine. Probablement. Oui, puis non, des fois, c'est vraiment par intérêt. Des fois, c'est qu'il y a des stratagèmes géopolitiques aussi. Oui, on a déjà parlé un petit peu. Oui, exactement. Puis des fois, les pays aussi, les pays scandinaves, des fois, ils vont se mobiliser pour voter pour un pays scandinave en particulier. Les pays de l'Est vont se mobiliser, ouais, pour la Russie. Faut rappeler que les pays en tant que tels, dans ce concours de chant-là, peuvent pas voter pour leur propre candidat. Ben non, ce serait ridicule. Ben oui, tout le monde aurait 12 points pour son propre pays, puis on n'aurait pas... Mais oui. Donc, tu y vas en paquet, en famille de pays, puis tu, oui, votes pour les autres, puis les autres votent pour toi, puis tout le monde, tu finis égal dans le milieu de peloton. Oui, à moins que tu aies vraiment une super bonne toute qui fait un gros hit aussi, ça se pourrait... Ouais. Ça aussi, mais c'est pas toujours géopolitique non plus, là. Mais c'est sûr que des fois, t'as des affinités entre pays aussi. T'as des groupes musicaux qui te rejoignent. Ouais. Mm-hmm. C'est normal. Puis par exemple, l'Arménie vote toujours pour la France. Je sais pas pourquoi c'est un pattern. Comme l'alliance politique. Oui, ben en fait, c'est, je sais pas, c'est une espèce d'affinité comme ça. T'as Chypre qui vote toujours... Non, la Macédoine, excusez-moi. Non, c'est ça, Chypre. Chypre? Fish and Chip? Oui, la Chip qui est à côté de la Grèce, qui va toujours pour la Grèce, c'est la Grèce qui va toujours pour Chypre. Ouais. Tu disais tantôt que le Canada était membre. On est membre à quel titre? Parce qu'on participe. Toi, je me rappelle plus du consortium, mais comme radio diffuseur, on n'est pas directement des participants, donc le Canada n'a pas le droit de participer à l'Eurovision, mais on a le droit, mettons, de diffuser des émissions de ce consortium-là. Puis aussi, ben, l'Eurovision, ça fait partie d'un consortium de postes de télévision d'État. Mm-hmm. Par exemple, ben, c'est le soccer aussi. C'est le football. Le mondial du football aussi, c'est ce consortium-là. Okay. Donc, c'est un réseautage, en fait. Mm-hmm. C'est comme une espèce d'association de réseaux de téléviseurs qui diffuse Eurovision. Mais est-ce que, mettons, je me rappelle que c'était qui? Pas Céline Dion qui avait participé pour la France, quelque chose comme ça? La Suisse. La Suisse? Ouais. Parce qu'on a souvent ça, des participants de d'autres éditions de The Voice ou La Voix, ou peu importe ailleurs, qui viennent participer à l'édition du Québec, puis ceux du Québec s'en vont participer en France. Puis c'est comme tout le temps le même monde qui tourne dans ce genre de domaine-là. Mais ça, ça, cher, mais bon. Ça n'a pas nécessairement de lien avec la voix, mettons. Puis même qu'en France, ben, le radiodiffuseur qui s'occupe d'envoyer le représentant fait compétition à la voix. Donc, et souvent, les deux dernières années, c'est que la voix et l'Eurovision en France arrivent en même temps. Ah, OK. Okay. Et oui. Bien. En même temps. Et en 2015, c'était la voix qui battait l'Eurovision, mais là, 2016, c'était l'Eurovision qui battait la voix. Et ça dépend des pays aussi, parce que chaque pays peut avoir son édition de différentes compétitions. Puis l'Eurovision, j'imagine que les codes d'écoute sont bonnes, mais ça fait quand même des décennies que ça existe. Est-ce que c'est moins populaire que c'était? Ben, 200 millions de personnes. C'est encore plus populaire que le All-Time Sport Bowl. Ouais. Puis Thomas Justin Timberlake qui a chanté à l'Eurovision comme participant. Tu sais, pas comme participant. Ben, pas comme participant, okay, mais pour fermer le show. OK, ouais, le grand numéro de fermeture. Okay. Oh, et c'était lui qui faisait comme le halftime. Ouais. Mais à la fin. Ouais, exactement, parce que tu présentes tous les participants, puis après ça, t'as le vote. Le vote, c'est interminable. OK. Parce que t'as quand même 43 pays qui votent. Mm-hmm. Fait que le temps qu'on dévoile les pays qui ont voté pour qui, ça peut être long. Les votes, c'est pas en temps réel pendant que l'émission a lieu en ondes. Non, vraiment pas. C'est après. Dans le fond, t'as le show en tant que tel. Après ça, t'as l'espèce de show de mi-temps. OK. Puis après ça, t'as le vote. OK. Et ça peut être énervant aussi, là. Ouais. Mais le vote, mettons, dépendant de où... Parce que l'Europe est quand même large, il y a plusieurs fuseaux horaires. Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que l'émission est interminablement longue pour réussir à cadrer toutes ces cases horaires-là? Ben, pas nécessairement. T'as le système de vote. Okay. Oui, t'as le système de vote. En fait, mettons, le mi-temps dure un certain temps. Okay. Fait que là, tout le monde vote pendant ce temps-là. Puis les jurys, eux, ont voté la veille. Ah! Parce qu'il y a comme un général pour les juges. OK. Donc, les juges, eux, ont voté la veille. En regardant pas les mêmes numéros que les gens ont regardé à la télé. Oui, oh, les mêmes numéros exactement, la veille, mais c'est donné comme dans une espèce de cassette, je sais pas trop quoi, parce que les jurys sont dans une pièce fermée. Parce que l'émission est live en tant que telle. Oui, oh, exactement, mais il y a une générale la veille. C'est ça, mais c'est pas physiquement le même numéro. C'est le même, c'est la même chose exactement, pour que les jurys puis le public puissent voter sur la même chose. Mais mettons avec le stress, tu pourrais être... Non? Ben... Vu que l'autre c'est live, tu sais. Oh, oui, mais avec toi. Cassette versus live, c'est pas la même chose. Non, ben cassette, je veux dire. C'est le même devant une caméra versus 200 000 personnes. Ben cassette, je dis cassette, mais en fait, c'est même pas cassette, je dis n'importe quoi. Mais en fait, c'est que les juges sont dans une pièce fermée. Okay. Chaque pays, mettons, t'as un jury qui représente un pays et qui va voter pour les 40 autres pays. Okay. Donc, c'est sûr qu'eux sont dans une pièce fermée, puis je pense que c'est radio-diffusé directement parce que, mettons, t'as la scène. Oui, je comprends. Parce que comment c'est fait, mettons, le stade où t'as la scène, puis après ça, ben t'as les différents locaux où chaque pays se retrouve. C'est un genre de circuit fermé, si on veut. Oui, exactement. Je comprends. Donc, j'ai dit cassette, mais oublié ça. Là. C'est un peu. Ça revient au même point que c'est pas la même, entre guillemets, performance que ce que le public voit live, mais c'est la même performance, mais. C'est juste avant. Pas. Oui, oui, c'est juste pas. Mettons, t'as une générale. Ouais. Pour les juges, puis t'as après t'as ça. La pratique et la vraie. Oui, mais t'as quand même plusieurs générales aussi parce que t'en as. En fait, t'as le droit de te pratiquer trois fois parce que, tu sais, t'as beaucoup de lumière à faire, beaucoup d'effets spéciaux, t'as le cadrage. Faut que tu penses aussi que t'as la télévision. Fait que faut que tu saches ta caméra, comment elle va jouer, effets spéciaux que tu fais juste pour la télévision aussi parce qu'il y a des trucs que tu vois sur scène que tu. En fait, que tu vois pas sur scène mais que tu vas voir à la télévision. Oui, oui, je comprends. Donc, il y a ça aussi, puis c'est quand même deux semaines parce que les chanteurs, chanteuses, groupes, profil justement faire connaître leur tune dans les bars, dans les petites salles aussi, faire des entrevues, puis des fois, à la finale, quand t'entends les chanteurs, tu vois qu'ils sont fatigués. Là. Ça doit être agressant de vivre dans ces pays-là et d'entendre tout le temps la même chanson de ton performeur de l'Eurovision jouer à la radio comme 15 fois par jour parce qu'ils veulent que tu gagnes. Ben, ça dépend. Tu sais, quand ils pistonnent un hit, comme t'appelles, dans la radio commerciale. En fait, non, ça dépend, parce que des fois, la chanson peut être un flop. OK. Ouais. Ben oui, t'as certes certaines chansons de certains pays qui se classent pas du tout, qui en France, ça a souvent été ça. Mm-hmm. En France, la toune ne se classe même pas dans le top 100. Mais est-ce que c'est les arrivé souvent. Est-ce que les chansons des autres pays ont tendance à jouer dans les... est-ce que, mettons, tu pourrais avoir une chanson de l'Estonie, mettons, qu'en France, t'sais, ils l'aiment bien, celle-là, puis t'sais... Ça pourrait, mais c'est plus rare. Mais ça, je vais l'expliquer plus tard dans ma chronique. Okay. Je suis là, puis je vends des punchs. Oui, exactement. Je suis même pas au courant de son sujet. Ben oui, c'est ça, c'est qu'on parle longtemps, mais c'est bien, on permet de découvrir davantage l'Eurovision. Voilà. Mais là, en fait, je sais pas, je vais avoir encore le temps. Il ben me reste oui, combien prends de temps? Ton temps, prends ton temps. Donc, à moins que Tania soit déjà. Se demande des questions ou se demande qu'est-ce qui va se passer. Non. On se demande toujours ce qui va se passer avec la Ouais, c'est surtout ça. Mais faut pas le dire, sinon on va c'est le croiser. Exactement. J'essaie juste plus d'anticiper quoi que ce soit avec toi. J'attends de voir. Ah! Ben, ça, je m'avais mangé autre chose. Ah! Ouais, ça c'est sûr. Ça me surprend que tu pas à manger pendant ta chronique. Non, non, mais c'est parce qu'on comprendrait rien. Ah, j'avoue que la bouche pleine. Ah, ben, je vais aller me chercher une collation. Ça arrive des fois qu'il parle la bouche pleine. J'ai jamais remarqué. Non. Ah. J'ai remarqué par exemple que ça arrive souvent qu'il échappe un verre ou quelque chose pendant qu'il mange. Oh, pauvre David, c'est vrai que tu échappes souvent tes choses. Assume-toi. Oui, mais j'espère ne pas m'échapper sur ma chronique qui est l'Eurovision. Donc, pour attraper la balle au bon, qui est celle de l'Eurovision, en fait, ma chronique va se diviser en deux aujourd'hui. Okay. Donc, on fait un petit topo de ce qui arrive présentement en 2017. C'est Justin Timberlake après ça à mi-temps. Mais pas cette année. C'était l'année passée, ça. C'était une blague pour dire dans ta chronique, t'avais un spectacle de la mi-temps vu qu'il est en deux parties. Le spectacle de la mitaine. Ah, OK. Oh boy. Et bon. Wow. Avec un petit chat, le spectacle de la mitaine. Ouais. Juste toi qui le rit comme ça, là. Ouais. Tania fait cop. Ah, oh, ouais. Puis la deuxième partie, c'est d'expliquer justement, tu me disais, si par exemple l'Estonie fait une belle chanson, ça peut être un hit en France et tout ça. Je vais te donner un élément de réponse, c'est que la France, pendant longtemps, ils se foutent un peu de l'Eurovision parce que c'est un concours qui est considéré quétaine. Fait que toutes les chansons qui traversaient l'Eurovision, la France s'en foutait un peu. C'est ringard, du coup. Oui, je vais donner un exemple de Loreen qui a sorti la chanson Euphoria. Qui a été un gros hit en Europe, top 3 en Grande-Bretagne, même si en Grande-Bretagne, les participants sont pas bons, ils se classent en dernier, ben, la chanson qui est suédoise s'est classée dans le top 3, mais en France, top 70. Oh oui. Donc, mais jusqu'à l'année passée. Mais ça, je vais l'expliquer. Donc, c'est relatif. Ouais. C'est, chaque pays fonctionne d'une certaine manière. La Russie fonctionne à sa manière. La Grande-Bretagne aussi. Les spectateurs, selon le pays, comment c'est perçu. Ça peut être autant très populaire qu'autant que ça peut être un flop. Il y a des pays qui sont plus hipster, des pays qui sont plus commerciaux. Oh, oui, donc la Suède, c'est 80 % de l'auditoire. OK. Wow. Oh, oui, même la voix, c'est, la voix, c'est quoi? C'est 60 % de l'auditoire au Québec, mettons. OK, wow. Je ne sais pas, mettons, c'est 2 millions, la voix. Oui. Au Québec, puis t'as un million qui regarde, mettons, tout le monde en parle. Ouais. Fait que c'est à peu près, mettons, 60 %. Mm-hmm. Tandis que, mettons, l'Eurovision en Suède, c'est 80 %. C'est incroyable. Oh, et c'est fou, là. Donc, c'est ça. Cette année, qu'est-ce qui arrive en 2017? C'est qu'à date, en cette date-ci, c'est qu'à date, il y a 27 chansons sur 43 qui ont sorti. Okay. Donc, les autres vont sortir tout le long parce qu'en fin mars, ils n'ont pas le choix. Il faut que les chansons soient toutes publiées. C'est comme les T4. Oui, exactement. Il y a une date limite parce qu'il faut sortir la compilation, il faut faire les pratiques, les généraux. Puis aussi, ben, il y a comme des mini-Eurovisions comme à Amsterdam à chaque année. Les participants sont invités à présenter leurs chansons à Amsterdam pour présenter leurs chansons. Donc, ça leur donne une plateforme aussi. Ouais. Fait que ça, c'est comme une espèce de mini-Eurovision. Off-Eurovision. Oui, exactement. Un petit peu plus cheap, mettons. Mais qui permet de se promouvoir. Ouais. Donc, cette année, ce qui arrive, c'est que l'année passée, en 2016, oui, il y avait des chansons très pop. L'Eurovision, sans la pop, ce serait pas l'Eurovision. Ouais, ben ouais, c'est le but un peu. Là. Abba, c'est de la popularité. Oui, oh, puis Abba n'aurait peut-être pas eu la même carrière qu'elle aurait eu. Est-ce que Abba a commencé à l'Eurovision? Ben, en fait, elle a commencé pas à l'Eurovision, mais ils ont commencé à avoir une reconnaissance mondiale grâce à l'Eurovision. OK. Oui, exactement. Donc, même chose pour Céline Dion qui a lancé sa carrière européenne avec ça, Natacha Saint-Pierre aussi. OK. Mais je vais parler de l'envers de la médaille. Là, je parle de trois exceptions par rapport aux trois qui sont mentionnées, mais l'inverse aussi, je vais revenir là-dessus. Donc, cette année, ce qui arrive, c'est que parmi les 27 tunes, c'est quétaine. On retourne vraiment à de la quétainerie pure. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais moi, en 2016, il y avait des tunes qui sont très pop, mais on avait l'impression que c'était actuel, que ça pouvait être des hits de radio ou pas nécessairement de radio, mais ça sonnait vraiment 2016. Ouais. Là, je trouve qu'on retourne en arrière un peu. T'sais, par exemple, il y a un trio de néerlandaises qui fait penser à du Wilson Phillips. Oh, ça, wow! C'est un... Oui, Wilson Phillips, c'est... For one moment. Ah, carrément, ça fait carrément penser à ça. Wow. Là. Oh, oui, c'est très quétaine. T'as même un chanteur d'opéra qui chante sur du piano, on dirait une toune de Téléthon. Aïe, aïe! Oh, oui, c'est un peu... ça, c'est pas un compliment, ça, une chanson de Téléthon. Non, vraiment pas. Désolé pour les gens qui performent dans les Téléthons. Tu sais, l'année passée, il y en avait une ou deux, mais là, cette année, on dirait que le retour à la quétainerie est aussi un problème, c'est que en Ukraine, lorsque va se dérouler le concours, à Kiev, la capitale, ça va pas bien. Il y a eu des retards, il y a une vingtaine de personnes du comité organisateur qui ont démissionné. On était pas sûr que ça allait avoir lieu là, finalement. Oui, exactement. On a pensé annuler. Il y a eu des rumeurs d'annulation et tout, fomentées par les Russes, parce que les Russes, évidemment, sont très, très frustrés. Ça, j'explique ça. Pourquoi sont frustrés tout à l'heure? Ils ont toute leur faim, les Russes, arrêtent. Oui, mais la délégation russe en tant que telle. Pas les Russes en tant que telle, mais la délégation russe. Mais en tout cas, je l'explique. Donc, c'est sûr qu'en plus, il y a des problèmes de budget, l'argent rentre pas aussi facilement que dans les autres éditions. Donc, ça se peut qu'on se retrouve comme en 2008. Donc, on retourne en arrière parce que depuis 2008, la technologie scénique a beaucoup s'est beaucoup développée. Ouais. Mais là, ça se peut que ça soit un peu... ça va être de la tapisserie tout le tour. Là. Mais il n'y aura fait, pas d'écran. Il y a même sur Twitter quelqu'un qui a mis genre, mettons une scène de, mettons, salle paroissiale avec des décorations de Noël pour dire voici la scène en Ukraine. Sous-sol d'église. Oui, exactement. Ça va être fantastique. Carrément ça, mais le concepteur a déjà participé à des éditions de l'Eurovision précédente, donc ça va être beau quand même. Oui. À plus petite échelle, peut-être. Peut-être, oui. C'est ce qu'on se demande. Mais c'est sûr que les big buzz ne disent pas ça, ils disent que mais tout roule. Ben oui, c'est sûr. Mais quand même, on va voir. Je pense que la scène, ils ont déjà montré la maquette de la scène, puis je pense que c'est potable. Bon, d'accord. Donc, c'est sûr que ça sera jamais comme la Russie en 2009. C'était la meilleure année pour toi, ça? Non, c'est en 2014 à Copenhague. OK. Ooh. La scène était très, très belle. C'était sobre, c'était pas trop d'affaires. À un moment donné, je parlerai des scènes de l'Eurovision. Oui, ben oui. Mais dans une autre chronique. Absolument. Et sur YouTube, on peut trouver pas mal toutes les années depuis le début, oui, j'imagine. Exactement. Ouais. Puis on va voir que ça a beaucoup évolué. C'est quelle édition, la numéro quoi? Cette année? Oui. Tu veux dire... Numéro 42, mettons. Ah, c'est la 62e. 62e. Oui. OK. Oh, oui, donc ça veut dire que la première, c'était en 1956. Oui, meilleur en maths que moi. Eh oui, ben, moi, ouais, je suis un peu trop fan. C'est comme mon guilty pleasure, tu sais. C'est parfait comme ça. On ne juge pas trop, juste quand même. Salut. Salut. Donc, c'est ça. on a un problème, puis on espère juste que les danseurs qui accompagnent les pays de l'Europe de l'Est s'habilleront pas avec des plumes ou en papier d'aluminium. OK, c'est déjà arrivé. Oui. Wow, oui. Papier d'aluminium. Oui, on regarde l'Ukraine en 2007. Incroyable. Ah oui, ben j'exagère, c'est aluminium, mais tu sais, ça ressemble à ça. Oui, c'est ça. Ça ressemble du papier foil. Oui. Oh, et des fois, on peut en voir de toutes les couleurs. Au niveau scénique, ça peut être. Puis, à un moment donné, l'année passée, c'était, je pense, justement, celle qui représentait la Moldavie. Je suis pas sûr, c'était la Moldavie, mais c'était la chanteuse qui chante, puis t'avais comme un gars déguisé en astronaute. Ah! T'as des affaires creepy, puis des t'avais... Des concepts, hein? Oh, oui, puis t'avais un autre concept que c'était un gars qui parlait avec un loup. Ah! C'est ça qu'il fait avec l'Eurovision, t'as plein de trucs qui n'ont pas rapport. De tout pour tous les goûts, dont ceux qui n'ont pas de goût. Oui, ouais, exactement. C'est ça, tout ça. Mais c'est ça, c'est comme la confluence de plein de trucs. Ouais. Donc, cette année aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des tunes quétaines, dont celle de l'Espagne. Mm-hmm. Je vais vous lire la tune, le refrain en français, puis après ça, on va l'écouter. Donc, oh, OK. Ouvrez vos oreilles. Donc, c'est « Fais-le pour ton amour, fais-le pour ton amour, bébé, tape des mains et fais-le pour ton amour, fais-le pour ton amour, fais-le pour ton amour, bébé, tape des mains et fais-le pour ton amour. » Ça, c'est le titre? C'est « Do it for your lover ». OK. Le titre, uh-huh. Donc, on a un extrait ici oui, de Manal, « Do it for your lover ». Do it for your lover, oh. Do it for your lover, baby, oh. Clap your hands, yeah. Oh. Do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover, baby, clap your hands, yeah. Do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover. Mais voyons donc, David, qu'est-ce que tu as dit contre ça? C'est super bon, ça. Oui, il manque juste des guimauves, un guitariste, puis un feu de camp, puis ça va être parfait. Mais non, je trouve que ça sonne sud. Oui, c'est ça, caliente. Ben, c'est l'Espagne aussi. Ouais. C'est l'Espagne, sauf que le participant c'est de sa sélection nationale en Espagne s'est fait huer. Hein? Oh, malaise. Oui, parce qu'en fait, selon le système de points, c'est moitié jury, moitié public. Mm-hmm. Il était arrivé en égalité avec l'autre participante qui était, en fait, la plus favorite du public. Donc, c'est le jury qui a tranché et a tranché pour Manal, qui est le chanteur. Ouais. Et c'est pour ça que les gens sont pas contents en Espagne. Ouais. Je vais donner une sonnerie sur ma prochaine sonnerie de téléphone. Ah. Ah. Wow. Oh, on n'est pas sur le beat. Oh, on n'est pas sur le beat. Non. Ah, c'est bon. Vraiment pas. C'est sûr que Manal a une chanson poche, mais il y a du beat. Oui. Donc, et aussi, pour marquer encore plus le retour en arrière de l'Eurovision cette année, notons le retour d'Epic l'Epic Sax Guy. Oh, tu m'as déjà parlé de l'Epic Sax Guy. Ouais, c'est ça, puis ça te disait rien, je suis étonné. Ben, c'est un mime apparemment sur Internet, mais je pense que c'est peut-être pas un mime en Amérique du Nord tant que ça. Oui, ben, peut-être aux États-Unis, mais en fait, on sait tout c'est quoi le Rick Roll. Oui, le Rick Roll, c'est Never Gonna Give You Up. Oui, mais il y a eu le Sax World. Ouais. Le Sax World, en fait, c'est quoi? C'est ça. C'est l'Epic Sax Guy, de son vrai nom, Sergei Stepanov. Oh. Et c'est qu'en 2010, il y a eu comme un espèce de phénomène où on pouvait se faire sax roller. Donc, c'était fait Sax Road, par exemple. Mm-hmm. Ah. Et c'est quoi? C'est dans le fond, c'est que tu allais sur un site internet et là, oups, un gars avec un saxophone, avec des coups de bassin pendant qu'il jouait, envahissait ton web. Voilà. Mais il est habillé au moins. Oh, oui. Il est habillé. Mais c'est ça, c'est un peu comme le même principe du Rick Ward, mais avec Epic Sax Guy. Mm-hmm. Donc ça venait de l'Eurovision. C'était un groupe de Moldavie qui s'appelle Sunstroke Project en 2010 qui ont participé. Et en fait, personne ne se rappelle de la tune, mais tout le monde se rappelle d'Epic Sax Guy qui faisait partie de ce groupe-là, de Sunstroke Project. Puis il était épique. Oui, oui, vraiment, tout le monde se rappelle de ça. Et même dans le Urban Dictionary, Sax World est devenu une expression. Ah, oh, ouais. Oh. Oh, ouais. Ça m'a passé par-dessus la tête. Oui, exactement. Puis même que sur YouTube, il y a un clip de 10 heures où ce qu'on voit le même clip. Oui, ben oui, allez-y, Epic Sax Guy sur YouTube. Pendant 10 heures, on voit le Epic Sax Guy. Et t'avais aussi le Rick Roll d'origine et le Sax Guy dans la même vidéo, genre. Ah, je pense quoi, que oui, ouais. Oui, oui. Ah, je vois que t'as fait tes recherches. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, donc c'est ça. Et là, le groupe revient cette année. Arrête donc. Oui, sauf que Epic Sax Guy a fait attention à son déhanchement de hanche. Okay. Parce que vraiment, quand on regarde vieux, ça, c'est dirty un peu. Okay, okay. Okay. Quand il fait, parce qu'il quand il joue du saxophone, il joue beaucoup du bassin aussi. Ouais. Donc, c'est assez curieux. Ouais. Mais là, il déhanche les jambes. en fait, déhancher les jambes. Ça se dit pas bien. Déjambé. Oui, c'est ça. Il bouge ses jambes cette fois-ci, mais est-ce que ça va devenir un hit comme ça a été en 2010? Tu sais, tu peux pas reproduire ça deux fois, là, attraper l'éclair non, dans une bouteille. Là. Non, non, exactement. Donc, c'est ça. Le groupe qui représente la Moldavie revient. D'abord, il faut qu'ils puissent faire la demi-finale. Est-ce que c'est possible ou pas? On le sait pas. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que finalement, Sunstruck Project, qui est que représentait la toune en 2010 pour la Moldavie, c'est classé en finale 22 sur 25. Ouf, malgré tout le buzz que ça crée. Donc, tout ça pour dire que ton classement de l'Eurovision, ça te garantit pas un succès post-concours et vice-versa. Ouais. Puis, même si t'es un chanteur, chanteuse, groupe connu, ça se peut que ta notoriété, elle sert à rien. Ouais. Je pense que Tania, tu m'en avais déjà parlé l'autre fois, mais oui. Puis là, j'ai des exemples. Ah. Quelques exemples. C'est ça. Puis là, on va revenir avec l'exemple de l'Estonie qui pourrait pogner, mettons, en France. Là, je vais remonter vraiment à loin le premier exemple. En 1970, on retrouvait des chanteurs comme Harry Dess et Julio Iglesias. Oh! Julio qui étant le père d'Enrique, mais Julio avait quand même une carrière aussi. Puis Harry Dess, c'était le chanteur pour enfants en français. Oui, mais il y avait une carrière pour adultes avant. Ah, je savais pas, je savais pas. Oh, oui, mais tu sais, il était surtout connu comme chanteur pour enfants, mais les deux ont participé à l'Eurovision. Wow. Donc, il y a aussi la Britannique Mary Hopkins. On la connaît pas beaucoup, mais ça a déjà été une grande vedette en Grande-Bretagne. Et elle, c'était la favorite du concours. Donc, on disait que c'est elle qui va gagner tout. Et c'est ça. Avant l'Eurovision, elle avait quand même 2-3 hits en Grande-Bretagne qui ont fonctionné très fort. C'était des top 3. Là. Okay. Donc, par contre, la gagnante dans tout ce gratin-là, aucun des trois. Non. Hein? Aucun des trois. Mais rien, non? Oui, c'est une petite jeune de 17 ans de l'Irlande qui s'appelait Dana. Ah. Et Dana n'avait jamais rien enregistré officiellement aux sorties de disques ou de chansons. Sa pièce All Kind of Everything, c'était son premier single. C'est quand même le fun, au moins, d'encourager les nouveaux talents, même si c'est de la pop, clairement. Oui, ben. Oh, c'est de la pop, mais tu sais, c'est un peu folk aussi, là. Okay, c'est irlandais, là. Accessible, oui, exactement. C'est ça que l'Eurovision, oui, quoique. Bon, maintenant, je reviendrai sur les tonnes obscures de l'Eurovision. Oui, puis All Kind of Everything a été vraiment un gros succès, là. C'est vraiment. C'est pas juste, hey, il n'y a plus une petite jeune qui se présente, auteur-compositrice. C'est vraiment. En fait, ça a atteint le top 10 dans une quinzaine de pays, dont le Singapour et l'Afrique du Sud, qui n'ont aucun rapport. Non, ça n'a même pas rapport avec l'Eurovision. Ils ne sont pas là-dedans du tout. Non, non, exactement. Donc, ça a été un grand succès. On peut appeler ça comme ça. On va dire. Oui, puis Dana, ensuite, a eu un succès quand même. Bon, dans son pays d'origine, elle a été accueillie comme une reine. Mm-hmm. En Irlande, il y avait beaucoup, beaucoup, je ne sais pas combien de personnes, mais beaucoup de personnes qui s'étaient attroupées à l'aéroport pour accueillir Dana. En plus, elle s'est ouverte une chaîne de restaurants, Dunkin' Donuts. Mais en fait, elle est devenue politicienne par la suite. Ah! Ah, bon. Eh oui, une conversion à la Ronald Reagan. Mm-hmm. Mais pas devenue première ministre de l'Irlande, mais je me rappelle, faudrait que je revérifie. Ouais. Et aussi, un autre exemple en 1996. Encore un exemple de la Grande-Bretagne. La chanteuse britannique Gina G s'est classée que 8e avec sa pièce Ho Ha Just a Little Bit, qui est une tune genre Eurodance. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu à un moment donné dans, je sais pas, dans une pub ou dans un film. Là. Ouais. C'est Ho Ha Just a Little Bit. Et pourtant, malgré sa 8e place à l'Eurovision, eh bien, la chanson s'est classée au Billboard américain, ce qui est très, très rare pour l'Eurovision. Ça arrive très, c'est peut-être arrivé 2-3 autres fois dans toute l'histoire des Eurovisions, mais elle s'est classée en 12e position du Billboard américain. Pas juste le Billboard genre dance, pop, vraiment dans le Billboard en tant que tel. Oui, oui, exactement. Et la chanson gagnante, The Voice de l'Irlandaise M.E.R. Quinn, ne s'est classée que dans quelques... Queen, excusez-moi. Ben, c'est Queen, Q-I-N-N, pas Queen, comme la reine. Là. Ouais, Queen, ouais. Queen, ouais. M.E.R. Quinn ne s'est classée que dans quelques pays européens. Puis il y avait aussi une fatigue aussi de l'Irlande parce que ça faisait comme 4 fois dans la même décennie que l'Irlande gagnait. Puis le monde était écœuré, je pense. Ça devrait pas marcher de même, ça devrait être juste sur le talent. On s'en fout, le nombre de pays qui... Oui, mais aussi, l'affaire, c'est que à cette époque-là, avant 99, les pays devaient absolument chanter dans leur langue natale. Ça change tout. Puis en 99, là, ils ont aboli cette règle-là. Et tout le monde chante en anglais. Exactement. Clairement. Ouais. Ben, tout le monde, oui, la grande majorité. Mais la chanson gagnante de l'année dernière, il y avait de l'anglais, mais du tatar aussi. Ouais. Après ça, les gens disent que les quotas francophones dans les radios... servent à rien parce que non, ça serait juste de l'anglais tout le temps. C'est ça. Mais tu sais, c'est beau l'anglais parce que ça te permet d'avoir une carrière, mais aussi c'est important parce que dans d'autres langues, il y a des tunes que tu peux entendre, que tu n'as pas l'occasion d'entendre dans les radios. Ouais, voilà. Sauf assez fou. Donc, pour revenir au dernier exemple de comme quoi c'est pas parce que t'es populaire que tu vas faire un gros hit à l'Eurovision, c'est que t'as des artistes ou des groupes qui ont déjà eu une notoriété ou qui ont une notoriété et qui se présentent à l'Eurovision soit pour faire un comeback ou pour essayer de faire un comeback ou pour mousser leur popularité, puis flop. Ah ouais. Donc, par exemple, le boys band Blue, qui est comme un peu une espèce de Backstreet Boys britannique, qui était très populaire au début des années 2000. Là, ils se sont représentés en 2011 et ils ont juste été numéro 11. En fait, ils se sont classés au numéro 11 du classement de l'Eurovision, puis pourtant, c'était considéré comme des favoris. Mais non, ça n'a pas marché. Il y a aussi Cascada, je sais pas vous rappeler de ce groupe allemand qui a fait quelques hits, Evacuate and Unfloor, puis d'autres reprises Eurodance. C'est un groupe qui était assez populaire vers les années 2010, fin 2000, début année 2010. Et en fait, ce groupe-là a été en bas du top 20. Donc, c'est pas parce que... Puis l'autre, par exemple, Kate Ryan avec sa reprise de Désenchantée, puis elle est là. Ouais, exactement. Donc, elle, qui est quand même assez... Même au Québec, elle a déjà connu la popularité, bien, elle n'a même pas fait la finale. Oh, malaise. Donc, c'est pas parce que t'es connu que ça va fonctionner automatiquement. Tu sais, comme la France, on a essayé d'envoyer Patricia Cass en Russie parce que c'est une grande sœur en Russie, mais elle s'est classée 8e position. C'est quand même bien 8e position, mais c'est décevant par rapport à ce qu'on s'attendait. Puis justement, par rapport au classement des pays, bien, il y a des relativités. Comme je pense que je l'avais expliqué un petit peu ça hier à Mathieu, donc je vais pouvoir l'expliquer à tout le monde. Oui! Donc, selon les réalités des pays, ton classement, c'est très relatif. Là, je vais prendre le cas de 2016. Par exemple, le favori était le chanteur Sergei Lazarev avec sa tune You're the Only One. Et la délégation russe a tout fait pour qu'il gagne, pour que ça soit le numéro 1. Donc, on met une grosse mise en scène très, très technologique, très spectaculaire, une chanson accrocheuse, on fait beaucoup, beaucoup de promotions. Et Sergei Lazarev, c'est pas un nom qui est familier ici, mais en Russie, c'est le Ed Sheeran russe, quasiment. Il est carrément très, très populaire. Là. C'est un grand vendeur d'albums. Je dirais, je peux pas pogner plus grande star que lui. Là. Donc, c'était... Mais il se retrouve... En fait, c'est classé en troisième position. Oui, mais c'est une troisième position très, très amère pour deux raisons. D'abord, c'est que le pays gagnant, c'est l'Ukraine, qui est le pays ennemi. Et en plus, dans l'Ukraine, la délégation russe a accusé l'Ukraine d'avoir une chanson politique. Ce qui est interdit par l'Eurovision, tu n'as pas le droit à des chansons politiques. Et l'Ukraine a chanté une chanson par rapport aux grands-parents de la chanteuse qui se sont fait déporter par Staline. Donc, c'est quand même pas mal politique. Oui, mais là, elle a dit que c'est une histoire personnelle, donc ça passait quand même. C'est pas ouvertement politique, ça dit pas genre, Poutine et... Exactement. Tu sais, ça explique que mes grands-parents se sont fait déporter, puis tu sais, c'est le vécu général. Elle a réussi à bien faire son affaire. Mais ça a frustré la délégation russe. Et l'autre chose, c'est que la deuxième position, c'est l'Australie, un pays qui, en cas de victoire, ne pourra pas organiser l'Eurovision. Pourquoi déjà? C'est trop loin. Trop loin. C'est trop cher, c'est trop loin. Puis oui, là, en 2017, l'Australie va encore participer. Mais est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Est-ce que l'Australie va pouvoir participer Puis ils pourraient jamais gagner, c'est ça. S'ils sont pas ouverts à gagner, pourquoi tu participes? Mais ils peuvent gagner, se remettons dans l'organisation, mais c'est juste que c'est tellement loin. Je veux dire, tous les pays européens devront aller en Australie. Ça rentre même pas. Ça serait compliqué aussi pour, les organisateurs principaux aussi d'être en Australie. Ça va être un problème de logistique. Mais ils pourraient gagner, mais juste pas le faire là. Oui, c'est ça. Ils peuvent le gagner. C'est ça. Ils peuvent le gagner, mais s'ils gagnent, ils pourront pas le faire en Australie. Ils pourraient s'associer avec le numéro 2 et dire on fait l'organisation au numéro 2. Oui, exactement. C'est ça. C'est comme. Donc, l'Ukraine. Oui, exactement. Mais on sait pas. Cette année, ça se peut que ça soit l'Italie. Ah, d'accord. Mamma mia. Oui, mais la toune est entièrement en Italie. En italien, je veux dire. Donc, on y va justement, elle est en Italie, la chanson. On s'en va là-bas l'entendre. Ouais, mais non, je ne l'ai même pas emmenée parce que c'est trop dense. Mais en fait, le propos est très intelligent. C'est à partir d'un livre de philosophie en plus. Donc, explique comme quoi les Occidentaux veulent prendre des trucs orientaux pour sentir mieux, mais toujours dans une optique occidentale. Fait que les propos sont très intéressants, mais c'est juste que la chanson est un peu commerciale. Donc, mais C'est intéressant quand même, c'est commercial, mais pas tant que ça. Mais un jour, un autre jour. Ouais. Donc, aussi, pour revenir à l'Eurovision 2016, c'est que la quatrième place, c'est la Bulgarie. Mmh. Et l'artiste Polly Genova, qui représentait la Bulgarie, c'est très bien classé. Quatrième position pour la Bulgarie, c'est comme si elle avait gagné l'Eurovision. Okay. Pourquoi? Parce que la Bulgarie, c'est une histoire assez compliquée à l'Eurovision, parce que en 10 participations, elle n'a été en finale que deux fois. Mm-hmm. Et le pays a dû se retirer en 2013, 2014 et 2015 pour des raisons budgétaires. Ah. Donc, ils sont arrivés, sont revenus très, très, très fort. Mmh. Mais c'est la même chose pour l'Ukraine. En Ukraine, en 2015, l'Ukraine ne pouvait pas participer parce qu'il y avait le problème avec la Russie au niveau de la guerre, de la Crimée, puis au niveau budgétaire aussi. Donc là, elle est revenue très fort, mais peut-être que l'Ukraine est revenue trop tôt aussi. Okay. Peut-être qu'il y a ça aussi, ce problème-là, d'être revenue trop tôt. Peut-être qu'il aurait dû... attendre encore. Peut-être que l'Ukraine ne s'en rendait pas à gagner. Ah, voilà. Ben oui, je donne une petite anecdote, peut-être que j'ai déjà raconté, mais en parenthèse, en 2012, la chanteuse espagnole s'est fait dire « Sois bonne, mais pas trop. » Parce que l'Espagne avait une crise financière, puis disait « Non, on va pas l'organiser. » On peut pas gagner, ouais. « Sois bonne pour pas perdre la face, mais pas trop. » Ouais. Donc, fais de la promo correcte. Mais c'est ça, c'est que des fois, les pays, il y a certains pays sûrement qui disent « ben on va être bon, mais correct. Mmh. » Donc, c'est ça. Ça, c'est pour revenir. Mais aussi, il y a la sixième position de la France en 2016 qui était représentée par Amir. Donc, l'Hexagone n'avait pas connu meilleur classement depuis 2002 et depuis 2009, n'avait pas connu les joies du top 10 à l'Eurovision. Mmh. Donc, c'est la dernière fois, c'était en 2009. Et la chanson de l'artiste « J'ai cherché », donc « J'ai cherché » d'Amir, a atteint le top 50 en Suède et en Espagne. Et c'est quand même une toune qui est le couplet en français et le refrain en anglais, mais donc c'est quand même une toune bilingue. La même technique qu'on utilise souvent au Québec. Oui, exactement. Donc, quand même atteint la Suède, qui est quand même un pays très réputé pour ses produits pop. Ouais. Donc, en Espagne aussi, le top 10 en Lituanie aussi, en France et en Belgique. En fait, en Lituanie et en France, ça a été numéro... Non, c'est pas vrai. En Lituanie, c'était numéro 1, France, numéro 2. Et ça, il faut noter que depuis 2001, il y a seulement 3 chansons de l'Eurovision qui, en France, donc, 3 chansons de la France qui, en France, est classée dans le top 3 dans son propre pays. Mmh. Donc, pour dire que l'intérêt envers l'Eurovision de la France est très relatif. Mais là, cette année, on sent qu'il y a un plus grand engouement, mais la plupart des Français disent « on va perdre encore ». Bon, hey, hein? Mais les autres pays, sauf que les autres pays parient un top 10 ou un top 5 pour la France. OK. Donc, ce qui est important, c'est comment les autres pays te perçoivent. Ah, OK, OK. Ton propre pays, oui, c'est correct parce que ça fait un boost, mais... Et on rappelle que le public vote, donc ça a une importance. Parce qu'en tant que tel, on pourrait dire que c'est pas important ce que les gens pensent qu'il va être le numéro 1. Mais oui. Ouais. Non, c'est sûr. Et aussi, la pièce I Stand de la Tchèque, Gabriela... Je vais essayer de ne pas le massacrer. Gabriela Gonsikova s'est classée 25e sur 26. Mm-hmm. Ouais. Sauf que à la demi-finale, la chanteuse Gabriela était très contente parce que la République tchèque passe jamais en finale. Ouais, ouais, ouais. Donc, elle était juste contente d'être en finale. Heureuse d'être nominée. Oui, justement. Juste de chanter devant 200 millions de personnes. Elle était juste contente d'être là. Ça peut pas nuire à ta carrière ben. Oui, ça peut être le fun. Ça peut être éphémère aussi, mais tu sais, ça t'aide sur le coup. Tu sais, ça t'aide à des contacts. Puis si t'arrives à faire des hits, ben tant mieux. Ouais. Mais c'est sûr que ça te garantit pas une grande carrière non plus, mais au moins, ça te met une belle exposition. C'est ça, exact. Oui, donc, puis il paraît que selon la délégation tchèque, la République tchèque se fout un peu de l'Eurovision. Mmh. Ça, c'est pas, les codes d'écoute sont pas très forts, puis il y a pas un gros engouement, donc déjà, le fait de mettre quelqu'un en finale, c'est le fun. Ouais. Puis on voit que dans la mise en scène, ils ont pas mis trop de budget non plus. Mmh. Là. Donc, c'est pas un slip, on va entendre 3 tunes. Oui, 3 tunes. Oui. Dans quel ordre est-ce qu'on fait ça? D'abord, on va écouter Calliope avec Kerno i Bello, qui veut dire noir et blanc en macédoine. Parce que c'est une chanteuse de la Macédoine. Oui. Mais je pense qu'il y a vraiment un dialecte macédonien. Carotte-tipo. Elle s'appelle Carotte-tipo. Mais c'est Calliope, la chanteuse. Qui est revenue en 2016 aussi. Mais là, on présente la version 2012 parce que 2016, sa tune est vraiment mauvaise. Et le clip aussi. Le clip, pas celle de la tune qu'on va entendre, mais l'autre, qui s'appelle Dona. C'est en fait un écran vert. OK. Et là, en fait, c'est une espèce de cathédrale ou de je sais pas trop quoi, un musée, je sais pas trop quoi, puis on voit que c'est un écran vert. C'est clairement, fake. Ouais, tandis que 2012, c'est un clip qui est quand même, tu sais, c'est pas un gros budget, mais qui est quand même bien léché. Et la toune qui commence avec ce piano, là, ça a une progression, quand même assez rock. Et là, on attend la chanteuse avoir quand même une note très haute. Donc, c'est assez impressionnant. En live, ça torche. et elle aurait mérité un meilleur classement que la 13e position. Mais non. En 2012. 2016, elle a mérité de ne pas faire la finale. Je suis méchant de même, mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu reviens, reviens avec une tune plus forte. Ben là, force-toi. Hein? Mais c'est ça. Là, après ça, on va entendre le représentant hongrois de cette année, Papai Yorki, avec Origo. Ça, c'est un de mes coups de cœur pour l'instant, à moins que les 13 autres chansons qui doivent arriver présentent des trucs encore plus forts, mais c'est une de mes, un de mes coups de cœur pour l'instant. Mm-hmm. Et l'autre chanson, c'est une toune de 2017, donc de cette année, qui s'appelle Statesman, Statement de Loreen. Loreen, c'est la grande gagnante de 2012. Elle a essayé de se représenter au Melfest, qui est comme la sélection nationale en Suède, mais elle n'a pas fait la, elle n'a pas été classée pour la finale. Carine. Mais par contre... C'est drop, ça, quand même. Ouais, quand même, mais ça arrive souvent. Parce que je te dirais que dans le Melfest, ou le Melody Festivalen, qui est, qu'on appelle le Melfest, pour faire plus court. Donc, le Melfest avait trois participantes qui avaient déjà fait l'Eurovision, dont deux gagnantes, donc celle de 1999, qui n'a pas été classée en finale du tout. Une autre aussi qui avait représenté un autre pays scandinave, je ne rappelle plus lequel, qu'elle, elle ne s'est pas classée en finale non plus. Mais t'as Loreen qui était classée en, mettons, seconde chance, mm-hmm. donc une chance que tu peux aller encore en finale. T'as pas été classé dans la première sélection, mais t'as une chance encore, mais qui s'est fait battre. Mmh. Donc, mais par exemple, c'est une toune qui est très, très différente de ce qu'elle a déjà fait. Donc, c'est une toune qui est très grave. Donc, ça dit... donc, on n'a pas besoin de déclarations. C'est une toune qui est plutôt engagée, qui est quand même, oui, électro, mais assez dark. Donc, c'est pas mal les trois tounes. Et si, et pas besoin de, si vous voulez absolument réentendre Manal et Do It For Your Lover, peut-être qu'on a, ouais, c'est ça, peut-être, peut-être. Mais pour l'instant, on écoute Calliope dans la carte oui. Bleachée de David Ferron. À son air joli. Voči se ga gledaj me, ne sum gubitnik ti znaj, ne se predavam do kraj. Nema raganje, bez paganje. Otvori duša, priznaj mi, što sme sega ja si i ti. Pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde sega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš talga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništa neki deli, daj se ga nasmevni se. Denot ne vodi, volno kibeli, voči se ga gledaj me. Tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj, za novo rađanje so mene. Otvori duša, priznaj mi, što sve sega ja si ti. Pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde sega gušli me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništa negi deli, daj sega nasmeni se. Denot na vodi, vano ti beli. Crno i belo je se, jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništa negi deli, daj se ga nasmevni se. Denot ne vodi, vono kibeli, crno i belo je se. Hey. Bekeltsük nód a szemed, úgy láthatsz meg engemet, hogy megkodítsd a szívem, ismened kell lelkemet. Ha nem kellek, hadd menjek, és csavargónak születtem. Kilóttam már eleget, te az Isten, lát engem, lát engem. Jalom, alom, te didin, enne. Jalom, alom, alom, alom. Nem számít a színem, tudtad barna, a szemem sosem változik bennem. Nem kérek már belőle, menj el innen, hagyj engem. Ne is lássalak téged, átkozott légy örökre, örökre. Jólam a lombba, te didindömbö. Jólam a lombba, lom a lombba. Megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem, sejtelmes erők laktak a gyerekbe. Féltem tőle, látszik a szemekbe. A húrjaim támadnak, sírnak a testekbe. Hiába is védett ki, méreg a hangszerbe. Nagy tömegeket itattam át vele. Hallod a dallamon, már tudod a nevemet, hosszú az út. Sebek a hátamon, ezrek könnyei folynak a gitáromon. Jalom a lombba, te c'était Statements de Lorraine. Oui, oui. Il y a comme un S que je dis que je dois pas dire. Pas des statements comme des petites manques que tu... Non, non, c'est statements. Mance. Comme déclaration. Oui, voilà. De Lorraine. Avant ça, c'était Papa Yorgi avec Origo. Mm-hmm. Et avant ça, c'était Kerno Ibello de Calliope. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Trois chansons de l'Eurovision à travers les années. Hein? Et on va suivre le dossier, bien sûr, de l'Eurovision avec David Ferron, qui est un grand fan de tout ça. Donc, l'Eurovision, le concours de chant européen. Merci, David Ferron. Et on te retrouve toutes les semaines, donc aux deux semaines pour la carte Beachy et les semaines entre ça pour la chronique du journal Zone Campus, en l'occurrence, donc la semaine prochaine. Nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Triste comme ça, mais on doit se quitter éventuellement, ça arrive. Donc, on remercie David Ferron pour la chronique de la carte Beachy. On remercie Justine Renaud pour sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Merci Tania, bien sûr. Mais merci à toi, Mathieu Plante. Demain émission, on aura Sébastien Vigartin à 7h30, son retour après deux semaines d'absence, donc trois semaines depuis sa dernière chronique. Donc c'est à 7h30, c'est le seul chroniqueur qu'on a demain. Donc on va être là entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, à 10h sera la rediffusion du Mathieu Plante Show. Ensuite, c'est la semaine de relâche. Donc on va sauter probablement à 14h au Palmarès C'est fou avec Tania et moi-même. Et puis à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se fait là-dessus, puis on se dit à demain, 6h30. Oui. Bye, Tania. Bye, bon café. Journée.